Ça m'a fait rire, mais je pense que c'est moyen quand même. Il est signé. Avec les cons qu'il y a là, mais c'est con, on va s'en occuper. Oh, oh Malouda. Ah là, ami de la liberté d'expression, bonsoir. Bonsoir à toi aussi, Daniel. Et bonsoir à tous. Alors j'ai beaucoup aimé. Alors il y a eu plein de choses que j'ai aimé moi ce week-end. Alors j'aurais pu vous parler de Lille PSG. Vous avez beaucoup parlé de Lille PSG, mais moi je vais pas en parler parce que j'en ai rien. J'ai pas envie. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et puis c'est moi qui décide. Hein, de toute façon, voilà. Moi, c'est surtout j'ai pensé à Daniel, le pauvre. Vous imaginez juste après la victoire de Lille. Non seulement il a eu la défaite du Paris Saint-Germain, il a eu Girard à l'after. C'est que c'est vraiment le mec. C'est la soirée pourrie, quoi. Il lui manquait plus que Guy Lacombe, Tapie et Mélenchon. Là, c'était la complète. Là, c'était l'horreur. Mais bon, heureusement. Il a tenu bon parce que c'est un vrai professionnel dans l'exercice de ses fonctions. Petite pensée pour Florent Gautreau qui a été magique là. Florent Gautreau sur sa moto faisait du 100 et du 0. Ah oui, c'est bon une ça. Super chanson. C'est le nouveau Balibalo, Florent Gautreau. C'était vraiment sympa. C'est beau, les placards de France 2, ils sont de plus en plus magnifiques. C'est le nouveau Claude Sirillon. C'est pas beau ça. Ah ben moi je tacle toujours par derrière. Hein. Claude Sirillon qui va revenir probablement présenter le 20h de la semaine prochaine. Super. Eh ben écoute donc oui sous-entendu la gauche va repasser, on n'a pas le droit de faire de pessimiste, de politique pardon Daniel, excuse-moi. Gilbert je vois qui en a marre. Qui suit, heureusement. Gilbert qui en a marre des trompettes à Lens. Ah oui j'en ai marre. Eh ben c'est une erreur parce que Lens. Bah, la liberté d'expression Gilbert, si les mecs veulent le faire laisse-les faire. Mais ils peuvent le faire s'ils veulent. Surtout qu'en plus depuis deux ans. Mais moi j'en ai marre. Mais c'est marrant comme tu es intolérant. Non. Je suis pas intolérant, c'est mon avis. Je te mets face à tes contradictions. Non, c'est pas une contradiction. Si, ils peuvent le faire, mais c'est mon avis. Non, je tu dois tout respecter, les même les trompettes. C'est au rugby, c'est à Brive, à Castres. Non, tu dois à respecter. Albi, à Gaillac. C'est dans la tradition des 100 et or. C'est Rio, ouais, t'es pas chez Drucker. Si, mais il est toujours. Non, un peu moins. Mais bientôt sur France 2, peut-être, au journal. Ah oui, pardon, excusez-moi, je viens de me rendre compte que c'était à moi de parler. Alors que j'écoutais Daniel religieusement. Son CSA. Ah bah non, je dirais pas de CSA avec Daniel, ça serait la commande en tour, ça n'a plus rien à voir. Ah non, mais moi je te garde, t'inquiète. Oh merci. Merci Daniel. Gilbert, donc, je disais qu'il en avait marre des trompettes dans le stade lensois. Alors que c'est dommage parce qu'ils ont quand même un très bel hymne à la trompette depuis deux ans. Est-ce qu'on peut écouter l'hymne des... C'est magnifique. Je te pardonnerai peut-être jamais. Et à un but près, il était bon pour cette année encore, hein, celui-là. Ah, mais non, je pense à toi. Je voudrais revenir sur Amalfitano. On n'a pas parlé de Amalfitano, qui a été un grand monsieur, puisqu'il a dit. Il a quand même ouvert. C'est vrai que on dit ouais, il l'ouvre trop. Mais en même temps, s'il l'ouvre pas, on sait même pas qu'il est là, Amalfitano. Donc il a raison de parler. Et il a dit il y en a qui trichent. Et ben moi, je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux. Et moi, j'imagine Didier Deschamps, il a dû devenir fou en entendant ça. T'imagines, c'est-à-dire qu'il est en train de se rendre compte que dans son équipe, il y en a qui trichent et ils arrivent même pas à gagner. Mais c'est quand même merde. Et c'est pas possible. On peut pas faire ça, Didier Deschamps. Vous rendez compte qui c'est Didier Deschamps? C'est un mec qui a un palmarès. Il sait ce que c'est. Il a été à la Juve, il a été à Marseille, et il se rend compte qu'il y a des mecs qui arrivent à tricher dans son équipe, qui arrivent même pas à gagner. Mais merde. Le minimum quand tu triches, c'est que tu gagnes. Non mais, je veux bien qu'on soit du low foot, mais on respecte les traditions, les valeurs d'un club, merde. T'imagines le mec, qu'est-ce qui s'est arrivé? Bah j'ai perdu. Oh bon, pourquoi? Bah j'ai triché. Si, bah, y a quand même un truc qui cloche. Et voilà, paf, 800 mails, 1200 tweets et 3000 messages d'insultes. C'est pour toi, c'est pour le toi Gilbert, c'est cadeau. Alors, merci. attends, excusez-moi. Une nouvelle vient de tomber sur nos téléscripteurs. Je viens d'apprendre que Jean Fernandez devrait re-signer pour 2 ans à l'AS Nancy Lorraine. Là, c'est bien. L'action de beIN Sport qui a racheté les droits de la Liga vient de chuter à la bourse de New York. C'est la plus grosse chute depuis Eurotunnel. Hein. Là, c'est terrible. Hein. Excusez-moi, je suis encore sous le choc. Mais pourquoi tout le monde aime Jean Fernandez en France? Il joue comme Chelsea. Merci. Chelsea, c'est fabuleux. Ah, ça le reprend. Tu sais, Daniel avec Chelsea, ça fait penser à Rain Man avec le mec en première base. Ouais, ça lui reprend comme ça. C'est l'autiste. Les gens, à un moment, il faudra qu'ils assument leur contradiction. Mais les gens, ça n'existe pas, Daniel. C'est un fantasme, les gens. 75% qui ont répondu à un sondage qui ont trouvé Chelsea héroïque et fabuleux. Héroïque, c'est formidable. Décidément, tu les aimes pas. 75%. Bien. Ils ont trouvé une formidable façon que Chelsea gagne. Après le match aller, si Chelsea se qualifie comme ça, je leur dirais bravo. Mais j'avais finalement Fred Armel qui mais est c'est une manière là. De dire on bravo. On est témoins, ça a eu du mal à sortir de ma bouche parce que vraiment, dit, je ça m'arrache la langue. Mais j'ai fini par le dire, mais évidemment, je le pense pas. Je peux pas dire bravo à des gens. J'ai mis deux dans la bouche et c'est sorti. Mais je peux pas dire des gens, je peux pas dire bravo, c'était pas honnête de ma part. C'est vrai que tu peux pas dire bravo à des gens qui se sont menés 2-0 à 10 contre 11 et qui se qualifient. C'est impossible. Non, parce que Philippe, toi, tu es dans la conception du sport. Projet sur les. Pardon, Julien. On ne parle pas de sport. On parle de cirque. C'est-à-dire que c'est celui qui joue à la baballe qui gagne. Celui qui joue pas à la baballe, il perd. C'est la règle. Et ça n'a rien à voir avec ce que je voulais développer tout à l'heure. Puisque là, j'ai vu une petite vidéo sympa, le fils de Rivaldo. Vous avez vu que le fils de Rivaldo, il a mis. Ah, pas mal. Ouais. Il a mis t'as vu Fred ? Il a mis exactement le même but que son père. Rivaldo, tu te rappelles la fameuse bicyclette amortie de la poitrine. Contre Valence. Voilà, exactement. Dans le championnat d'Angola, c'est ça ? Oui, mais bon, il l'a marqué ou pas ? Il l'a marqué. Et moi, je dis, c'est bien parce que ça rappelle que on peut faire. C'est tel père, tel fils dans le foot. Il y en a, ça arrive souvent, comme il y a eu Djorkaeff, Giresse, Cruyff. Et moi, je trouve ça sympa quand tu vois, par exemple, il paraît que le fils de Ribéry, il a déjà le même QI que son père. Alors qu'il a peut-être un an, tu vois. Non, mais c'est formidable, ça veut dire qu'il prend la suite. C'est pour ça que je me demandais si la fille de Dimeco, elle avait une boucherie, charcuterie ou un entrepôt d'écarissage, des trucs comme ça. Mais je me dis quand même qu'il faudrait juste jeter un œil sur le fils de Brandao en classe verte. Parce que s'il y a spéléo. S'il y a spéléologie. Je suis pas hyper tranquille. C'est tout. Non. J'en profite. Olivier, puisqu'il était là. Olivier, puisqu'il y a ton fiston qui est avec nous dans le studio. Tel père, tel fils. Alors, ton fils, il est bon au foot ? Non ? Ça se vérifie. Tu as pas d'enfant, toi ? Bah non, faut trouver une meuf qui veut déjà. Alors, ça se vérifie. La meilleure défense, c'est l'attaque. Je t'ai dit qu'il est direct. Alors, te marre pas, Fred, hein, tu fais partie du même club. Hein. On a picolé en parlant, tu te rappelles ? De l'eau, toujours de l'eau. Toujours. Auxerre-Brest, je reviens sur ce match. Auxerre-Brest, une belle victoire 4-0, belle victoire de la GIA qui fait plaisir et notamment grâce à un homme qui a été décisif. Et c'est un ancien qui avait connu des belles années et qui est revenu. Et ça fait plaisir de le voir décisif pour son ancien club. Je veux bien sûr parler de Corentin Martins. Magnifique Corentin Martins qui a vraiment été parfait. 4-0, le mec il avait pas été décisif pour la GIA depuis 15 ans et là. Et là, il revient, et c'est magnifique, c'est tout un peuple. Moi, je comprends pas pourquoi il a pas fait un tour d'honneur sur le terrain, en embrassant les cuissons, parce que vraiment, alors là, il a été extraordinaire. Hein. Non, mais Brest, à l'époque, vous rappelez, enfin, à l'époque, la semaine dernière, j'ai fait une chanson sur le président du club de Brest, si j'étais président du Brest Armorique. Ouais, exact. Et je le faisais passer pour un clown. C'était pas censé être une vision. C'était censé juste être une chanson, et puis il m'a écouté, peut-être, et ça lui a fait péter les plombs. Et quand je vois le club de Brest aujourd'hui, ça me fait penser un peu à un programme court qui cartonne en ce moment sur Canal+. Je sais pas si vous voyez lequel c'est, ce programme court qui marche bien au Grand Journal. Bref, là, non ? Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. À Brest, le club, c'est le Stade Brestois 29. C'est pas parce qu'on est 29e club de Brest, hein, sur Facebook. C'est parce qu'on est du Finistère. Avant, on s'appelait Brest Armorique, mais on en avait marre des globéraux qui chantaient l'Armorique, l'Armorique. C'était lourd. Alors on a arrêté, on a changé. En mai 2010, on a créé l'exploit et on monte en Ligue 1. On est en Ligue 1, on est en Ligue 1. Et au bout de 3 mois, on devient leader du championnat. Et le président, il disait et si on est là, c'est pas par hasard, c'est grâce à Alex. C'est un sorcier. Alex Dupont, c'est l'entraîneur. Alex, on le surnomme Sir Alex, en référence à Ferguson. Alex, hein, pas Sarah. Sinon, ça serait Sœur Sarah. Par la suite, on fait chier un peu, mais on se sauve et on finit 16e. Mais le président, il dit Alex Dupont, il a toute ma confiance. Il est là pour un moment. L'année suivante, on galère un peu. On galère un peu. Mais bon, on va s'en sortir quand même, on le sent. On va s'en sortir. Et là, les journalistes, ils demandent qu'en est-il de l'entraîneur ? Alex, il est intouchable. Et si vous chutez au classement ? Alex, il est intouchable. Et si vous devenez relégable ? Alex, il est intouchable. On a perdu. On a perdu, il l'a viré. Et là, Sir Alex, il a rien vu venir. Le président a dit qu'il fallait un électrochoc. Il a mis Corentin Martins, il y a eu un électrochoc. On a perdu 4-0. Brest, on était en Ligue 1, quoi. Ah, quel génie. L'OM, revenir un peu sur l'OM, on n'a pas assez parlé de l'OM quelque part. Et l'OM, quand on voit un peu ce qui se passe par ce moment, bah l'OM c'est un peu question pour un ex-champion. Bonsoir à tous pour question pour un ex-champion, je reçois aujourd'hui Didier Deschamps. Alors Didier, bravo pour cette nouvelle défaite, c'est exceptionnel, c'est votre 15e match sans victoire, un vrai record. Alors là, deux solutions. Soit vous décidez de partir maintenant avec les honneurs et vous regardez votre record parce que le défaite du club, vous laissez le club dans la merde avec José Aligo. Parfait. Soit vous repartez pour un match de plus et vous tâtez de prendre une nouvelle branlée au Vélodrome par Nancy et vous approchez du record du GF38 de Bazdarevic en 2009. Vous avez 5 secondes. Ouais, casse-toi, enculé. Casse-toi. Bon, vu le groupe que j'ai, le niveau de motivation de mes joueurs, je peux raisonnablement décider de continuer. Il continue, c'est magnifique. Merci Didier. Merci et à la semaine prochaine pour un nouveau question pour un ex-champion. Merci, bonsoir. Voilà, ça c'était... Je pense qu'on peut en avoir encore longtemps, hein, du question pour un ex-champion. Et je voudrais quand même finir avec Manchester City. Vous avez vu quand même que c'est incroyable parce que Manchester City et United qui se disputent les titres. Enfin, moi je trouve ça quand même incroyable parce qu'on ne le dit pas, mais Manchester c'est quoi? C'est quoi? C'est 450 000 habitants, hein, à tout péter, hein, Philippe? 450 000? Ouais. C'est ça? Manchester, 450 000. Oh, c'est plus du million, hein. Ah, mais moi je compte pas les sans-papiers. Ah. Rigole, Gilbert, bientôt on pourra plus, hein. C'est notre dernière blague, la gauche va revenir. Mais toi, tu t'en fous, tu vas te casser, exil fiscal avec Michel Sédoux et coach Courbis, tu vas finir en Suisse, sur RMC, Radio Montré Chocolat, t'en as plus rien à tirer. Donc je disais, Manchester, ça fait à peu près 450 000 habitants, ce qui, la ville, je parle pas de l'agglomération totale, la ville juste. D'accord. Et ce qui équivaut à peu près à Toulouse chez nous. Et t'imagines un titre qui se jouerait entre le Toulouse Football Club et le Toulouse United. Là, je crois que l'action de Bein Sport vient de s'effondrer. Là, c'est la chute libre. Touchou, c'est la Jean-Luc Crétier. Je crois que, franchement, encore un coup comme ça, et c'est à peine s'ils pourront se payer le mondial du vin à Le Cat La Franqui. Et encore, merci, bonsoir.